La chaussée est séparée de l'accotement par une ligne discontinue, appelée ligne de rive. D'une manière générale, et en l'absence de toute signalisation particulière, l'accotement est réservé pour l'arrêt ou le stationnement, contrairement à la bande d'arrêt d'urgence sur autoroute. Ici, je peux donc stationner pour téléphoner, lire une carte routière, me reposer ou même partir en promenade. Toutefois, je veillerai à ce que mon véhicule soit bien stationné et n'empiète pas sur la chaussée. Réponse A et C.